fait, je sais pas. C'est parce que je sais pas. Skype sur l'ordinateur, c'est pas installé sur l'ordinateur. C'est que sur le téléphone portable qui. Je regarderai ce soir. Petite chanson, une chanson d'amour. Oh, yeah. Je regarde mes mails et j'en ai plein des publicités. Alors, vous avez 300 mails. Oh putain, j'avais pas ouvert depuis longtemps ce truc. Oh my god! J'en suis déjà à 50. Hameçonnage, poubelle, 60. Je l'ai pas ouvert. Je suis à 100 mail. 100. Ah, celui-là, 110. 130. Bon, ben, je crois que j'ai le temps parce que. Putain, tous ces mails que j'ai. Mike, Ah oui. Oui, en effet. Attends, c'est pas ce que j'avais. Je suis marqué.